bienvenue pour une émission de, du PCC, du Parti communiste cinématique. Aïe! Du Pony Cosmic Club, ce soir, nous allons faire un peu un bilan de cette année tout à fait riche en événements cinématographiques. Parce que c'est bon, c'est une formule de base, hein, mais bon. Et du coup, on va faire un top flop. On va faire un top flop du cinéma de cette année, de cette décennie, de ce siècle, de cet univers, de cette galaxie. Et nous commençons... Cette centurie. Centurie 21. Oh putain. Bon, voilà. Ça va, hein. Voilà. Et donc, nous commençons par le top flop de cette année 2019. Ah, là, Nioh, on commence par Nioh. Alors, mon top. On fait les tops d'abord et puis les flops après. Attends. El Catou a parlé. Bonsoir, El Catou. Bonsoir, El Catou. Bonsoir. Oui. On a d'abord dans les top flops, on va commencer par les plus mauvais. Mmh. Ah, les flops d'abord. Ouais, les flops. Alors tout confondu, sachant que ça comporte les films qui ont été vus même par une seule personne. Après, d'accord. On aura notre top commun. D'accord. Mais là, c'est tous les flops par on se rejoint quand même dans nos flops perso, on a des trucs qui se rejoignent pas mal. Ouais. Alors, le plus mauvais. C'est Paradise Beach. Ah, et ça, c'est Nelson qui peut... Mais c'est une merde. Mais c'est incroyable d'avoir autant d'acteurs. Mais en réalité, c'est... Tu vois, Sami Bouajila, il est dans le film. Normalement, en fait, c'est genre le mec qui vient... Il vient de... Comment ça s'appelle? Il s'est retrouvé en tôle, après un braquage qui a foiré, et lui, il s'est retrouvé... c'est le seul qui s'est fait choper par les flics. Et en fait, Sami Bouajila, depuis qu'il a fait Gangster contre... Je crois que je sais plus. Vampire. Non, c'est le film de Julien Jolicoeur. Depuis qu'il a fait ce film-là, le truc, il est que... il est abonné depuis à des rôles de vieux malfrat, etc. Et là, le truc, c'est que dans ce film-là, ça va pas du tout. Et ils jouent tous bancal, mais tous, que ce soit Sek Gecko, que ce soit, comment il s'appelle, Cool Chain, que ce soit, putain, mais c'est incroyable, quoi. Et l'autre, là, le mec, là, putain, j'ai oublié comment il s'appelle, il joue dans Engrenage, coucou, Kija, il joue dans Engrenage, j'ai oublié son nom, et franchement, mais tout le monde joue de traviole, tout le monde, c'est un truc de fou, quoi. Il n'y en a pas pour attraper. Mais ouais, il y a même, comment il s'appelle, le mec qui est Hubert Koundé, il y a même Hubert Koundé dedans, même lui qui est un bon acteur d'habitude, là il joue comme dans un épisode de Plus belle la vie. Bon d'ailleurs maintenant il joue dans un épisode de Plus belle la vie. C'est un Hubert qui fait pas un hit. Voilà, c'est ça, c'est un Hubert qui fait pas un hit. Sinon on a, alors je vous dis vite fait tout ce qu'on a dans les top flops aussi, ouais. On a Black Snake, Meurt Monstre Meurt, qui était une exclusivité qui avait été à l'Étrange Festival et puis qui était même passé à Cannes. Je voulais le voir, j'ai loupé. Oui, bah écoute, alors le plus gros réside dans la créature, hein, c'est tout, hein, qui est quand même un espèce de truc un peu bizarre. Duel. Ouais. Je sais pas, c'était quoi, c'est toi qui l'avais vu, oui. Ça. Oui. C'était quoi? C'est un petit huis clos belge avec deux femmes qui vont prendre le chou à cause d'un enfant qui est malade. Et puis, ouais, puis bébé, ouais, on va pas trop en parler, ouais, on peut passer. Cold Blood Legacy, la mémoire du sang, Jean Reno ne déçoit jamais. Je l'ai pas vu. Je l'ai loupé. T'as loupé un grand moment de cinéma. Mais ouais. Ça c'est, ouais, c'est good. Anna. Ah. Le Besson. Nikita 2.0. C'est vraiment copié au plan près, rien à dire de plus, quoi. Mm. Bah. Et du coup, pour moi, l'intouchable Harvey Weinstein. Ah, c'est nul à ce moment-là. Parce que, bah écoute, en fait, ça aurait pu être un truc bien. Si c'était pas un truc qui se contentait de faire dans l'émotion. En fait, ça fait dans l'émotion, ça se contente de dire des trucs qu'on a déjà tous su après quand l'affaire a éclaté. Et à part on apprend sur son CV quand il a démarré, voilà, c'est tout. C'est problème de tuer le biopic, hein. Et ça, mais ça ne fouille pas ça. Du tout. En fait, ça va pas au-delà de ça. Ça fait. Donc voilà. C'est même pas un biopic là, tu vois. C'est petit, ça va beaucoup plus loin, après. Ouais, mais. En réalité, en fait, pour en apprendre davantage, il vaut mieux lire Sex, Mensonges et Hollywood, ouais. Qui est quand même beaucoup plus possible, descriptif que n'importe quoi. Oui, mais on n'apprendra pas sur le truc. Alors, concrètement, le truc, c'est que soit c'était à sortir en plein cœur de l'affaire, ou soit c'était après son procès, quand le gars avec le recul. Mais là, entre les deux, non, c'est pas possible. Il n'y avait pas quelqu'un qui l'avait aimé. Alors, Ouf. Si je peux juste dire un truc. Ouais, je sais pas s'il l'a aimé, mais il en parle beaucoup. Si je peux juste dire un truc sur Black Snake, ça aussi, franchement, c'est une très grosse déception. Pourtant, en fait, il avait été. Même Thomas Gillon avait fait un espèce de talk au Comic Con d'il y a, je sais plus, 2 ou 3 ans avec sa femme. Ouais, ouais. Ils avaient pas commencé à parler du truc et ça sentait comme waouh, le super-héros à la française et tout. Et, ça, et finalement. Mais voilà. C'est une déception, mais un truc, mais c'est vraiment incroyable quoi. Rien ne va et franchement c'est pas drôle quoi. On a aussi Cimetière, The Dead Don't Die, le remake de Cimetière, The Dead Don't Die, X-Men Dark Phoenix et Fast and Furious et ça chapitre 2. Ça c'est pour le... Pour en parler. Et dans les tops, donc tout confondu, on a Edmond. Ah, top. Ma vie avec F. Donovan. Non, la favorite d'abord, Ma vie avec John F. Donovan. C'est le top dans l'ordre de 10 à 1 ou de 1 à 10 Il n'y a même pas 10 en fait. C'est nos top à nous. Voilà. C'est surtout ceux qui sont à 4,5 sur 5 et 5. Les meilleures notes. Voilà. Très bien organisé cette émission. T'as vu ça. Donc Ma vie avec John F. Donovan, le Dolan. El Reino. C'était quoi déjà comme film? Espionnage et politique espagnole. Ils sont bons les espagnols dans le thriller. Non mais c'est pour ça, je lui dis, je suis passée à côté. Tous les dieux du ciel, le Quartz, qui est quand même un truc. Il est sorti en salle celui-là. Oui, mais ils sont en très peu de salles. Je voulais le voir, ils sont en très peu de salles. Mais il est trop bien. D'ailleurs, ils ont lancé Kiss Bang Bang ou je sais pas quoi, ouais. Ouais, ils ont pour l'édition collector du Blu-ray et DVD. Donc, et ça beaucoup. Je veux le voir. Donc c'est le moment de choper. Tu vas l'acheter, toi, direct. J'ai pas de sous. Wild Rose, qui est une histoire sur une jeune femme pauvre anglaise qui veut réussir dans de la country, qui est quand même pas mal faite. Le gangster, le flic et l'assassin. J'ai loupé. C'est monstrueux ça, ouais. Le gangster, moi je veux pas d'autre gangster que lui maintenant, tu vois. C'est pas coréen, au top. Ça fait. Est-ce que c'est mieux que Traître? Le Traître, franchement, alors là, il est assez captivant le personnage principal du Traître, mais la version coréenne, le mec qui fait le gangster coréen, il est quand même, c'est quand même quelque chose. Donc il y a le Traître juste après justement. Les Misérables. Qui n'est pas si misérable que ça finalement. Et il est pas mal. Et en fait je comprends, en fait maintenant que je l'ai vu, je comprends pourquoi en fait il. Pourquoi parce que normalement les gens l'aiment bien en fait. Et en fait le truc c'est que il y a un contexte social, mais il y a en même temps une histoire et il y a des enjeux en fait. Et pas avec la mise en scène, avec la plan séquence dès le début du film, je sais pas trop quoi. Et surtout ça n'oublie pas la cinématographie. Chose que souvent quand tu vois dans des films sur la banlieue comme ça en fait, il y a, surtout des récents en fait, il y a la cinématographie, forcément il y a le côté social qu'on veut montrer, mais du coup là il y a la cinématographie qui est vraiment présente aussi quoi. Donc voilà. Ensuite il y a Une Fabrique. Génial. Et il y a Millennium Actress. Ouais, c'est une ressortie parce que le film date de 2001, mais voilà, c'est un chef d'œuvre. Donc faut le voir. Bah, il est sorti donc, il faut le mettre dans les. Voilà, ouais, c'est une ressortie. Exactement. Du coup, là c'est un peu le top tout le top commun en fait. Le but c'était celui qui a été vu par le maximum de membres dans l'équipe, tous ces films-là. Donc, dans notre top commun, on a. On commence par les mieux ou les mauvais? Ah, les mauvais! Ouais, toujours le moins bon. Toujours le moins bon! Et ben, le plus mauvais, on a Cimetière. Ce qui est un peu dur, c'est un film potable. Un peu violent. Mais... Ouais. Violemment potable. Pacifiquement potable, on va dire. Ouais, mais. Comment dire, toi tu l'as vu, moi je l'ai pas vu, toi tu l'as vu. Je l'ai vu. Est-ce qu'on peut dire que c'est un film qui met un pied dans la tombe? Ouh. Ben il met les deux pieds dedans, hein. C'est horrible. Non mais pour en parler vite fait, avant que tu en parles, pour moi le film il est convenu, il est mou, c'est du déjà vu et revu. La photographie est grisâtre, sauf à 2-3 moments. Il y a un gimmick avec un camion. Oh putain. Et le mec il se dit on va essayer de faire sortir les clichés, on va faire des trucs nouveaux, etc. Et en fait ben non. j'ai déjà vu une revue et je me suis emmerdé. Alors, je me suis grave emmerdé. Le coup de l'éternel sur la film d'horreur, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est un truc très très présent à Hollywood en ce moment. Et souvent, il craque un petit peu sur les couleurs. Puis même, moi, sur Dr. Sleep, ça m'avait frappé, c'est que c'était... T'as un trauma. Je ne sais pas si tu te rappelles, dans Cynthia, t'as un trauma avec un monde chargé de dit. Non mais elle est pas conne, soit le trauma elle a surmonté, soit elle a pas surmonté. Mais elle va pas se mettre devant un autre truc, elle va s'écarter, elle sort de la salle. Mais non. Putain. Pardon. Ça n'a aucun rapport à ce que je disais. Non, 2019, je sentais qu'il y avait quelque chose qui voulait sortir. Tous les trucs clichés qui reviennent quoi, vite dit. Non, putain. Mais la fin est un peu cool. La fin est un petit peu, tu vois, c'est inattendu quoi. Il assume le bad ending. Il y a un petit changement, ouais. Mais même la fin dans le vieux film et même dans la fin dans le King, elles sont quand même assez noires, quoi. Donc, ouais. Il y a un manque d'implication émotionnelle globalement dans cette tiers. Terrible. Qui est assez. Terrible. Et par rapport au remake d'après vous, en fait, c'est quoi le. Par rapport à l'original. Bah, différent. Par rapport à l'original. Et au bouquin, ça fait et pas par peur. Par rapport au bouquin. Ça fait pas peur du tout. Le bouquin, je l'ai lu quand j'étais jeune et il m'avait foutu une grosse frousse. Un peu comme les yeux de Nelson qui me regardent fixement, qui font un peu flippant. Et le film, je l'ai pas vu, le film s'est programmé dans une semaine. Je vais peut-être aller voir dans une semaine si je peux voir aller en Suisse, à cause des grèves, si je peux aller en Suisse, parce que j'ai mis sur une liste de films à voir. Mais visiblement, d'après ce qu'on peut comparer du bouquin et du film, que j'ai pas vu, c'est que comme tu disais... Le premier que t'as pas vu, c'est ça? 89. Ouais. 89, d'accord. Ouais, le film Marie Lambert. Comprendre que c'est... Oui, il y a deux films de Lambert. Voilà. Un deuxième cimetière que Marie Lambert va signer encore, qui est une histoire originale. D'accord. Mais le premier qui est tiré du King, en fait, c'est l'implication émotionnelle qui blesse ici dans le cimetière 2019, quoi. Mm. Par exemple, un exemple, c'est pas du spoil parce que c'est déjà dans le bouquin d'autres trucs. Il y a la gamine, il y a un truc tout autour avec le cimetière, la gamine, voilà. Et tu te dis, il a un putain de potentiel que tu pourrais exploiter sur la vie après la mort ou même la mort en elle-même. Et en fait, bah non, le chat, il est tout mignon le chat, t'as envie de le caresser, il fait pas peur. Et pour donner un exemple, j'ai vu Cujo récemment, il y a deux jours, j'ai vu Cujo adapté de Stephen King, le film des années 80, Cujo. Ils ont pris un vrai Saint-Bernard, ils avaient pas les moyens pour faire des machins à pèse, en 82, 83 quoi. Et ben putain, ben ça marche quoi, c'est des vrais Saint-Bernard qui sont utilisés. Ouais. Là c'est du chat, un vrai chat mais avec des CGI qui complètent par moment. Et puis c'est mal branlé, et puis même la gamine c'est mal branlé aussi. Il y a toujours ça c'est vraiment propre au cinéma contemporain hollywoodien, il y a toujours des réactions un peu bizarres. Mais le film est trop propre. Non, c'est pas ça que je parlais, mais c'est trop propre quoi. Ça, on peut dire ça aussi. Bon, effectivement, la mort ça fait mal, ça fait mal, ça te tire un coup quoi. Ouais. Là c'est, j'ai perdu mon chat, j'ai perdu ma gamine. Ah mais putain, mais... C'est ça, y a pas d'impact, y'a pas de recul. Mec, sérieux, ouais. Au-delà c'est limite c'est des jouets que t'as perdu quoi, mec, sérieux. Ouais. Bon, en même temps, quand tu prends Jason Clarke, qui est pas le plus grand acteur du monde... Oh, c'est une petite... Oh, ça va, il a une bonne tête, quand même. Ça va, oui, il s'en sort bien. Mais il y a John Lithgow dans le film. Il y a John Lithgow. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est un bon acteur. Mais il y a un peu en dessous, quand même. C'est vrai, c'est un gros rôle, malheureusement. Jason Clarke, c'est quand même seulement le deuxième pire John Connor. C'est pas, ça veut dire quelque chose, déjà. Alors, ensuite, on a X-Men Dark Phoenix. Donc... Le parcours. Sachant que les X-Men Dark Phoenix... On voit ce dont les actrices avaient confirmé, c'est que le film a été réécrit au fil du tournage. Bien sûr. Ouais, mais ça c'est pas étonnant. Ça se voit, non mais ça se voit, c'est un film où le réalisateur n'a rien à foutre des acteurs, les acteurs n'ont rien à foutre du film, et du coup le spectateur à la fin, il n'a rien à foutre de lui aussi. C'est magnifique. Magnifique. Et ça se voit, ça se sent. Et ça... même le Phoenix, il y a eu X-Men 3 qui s'est planté, là, X-Men Dark Phoenix s'est planté. Putain, mais il faudra combien de versions du Phénix noir à l'écran avec Jean Grey pour qu'on arrive enfin à avoir potentiel du truc, quoi, c'est incroyable. Mais bon, il me semble que... Même les films d'animation... Même les séries d'animation des années 90, X-Men, ils arrivaient à faire un Phénix convaincant, quoi, merde. Ouais, bah, le doublage n'était pas terrible. De toute façon, Magneto aussi, j'ai un peu mal à l'acheter. Version Fassbender. Non, très bien Fassbender, mais retiré sur son mobile. C'est le Magneto. Ouais, c'est un peu curieux quoi. Magneto, en termes de charisme, Magneto, mais Phoenix, comme pour Cynthia, pour moi, c'est que. Il n'y a plus de très mauvais films. En fait, il y a une espèce de nivellement pour moi. Il n'y a plus beaucoup de très mauvais films et il y a beaucoup de très bons films. Et pour moi, Dark Phoenix, c'est pas très mauvais, c'est relativement potable. C'est pas honteux comme un. C'est moyen quoi, c'est pas moyen. C'est pas honteux comme un Green Lantern par exemple. Pour moi, c'est mauvais dans le sens où c'est une banalisation et t'en as rien à foutre et. Pour moi, ça reste mauvais quoi. quand t'es un peu plus concerné par un film, en général, c'est de sonner un truc, que ce soit la photographie ou la bande son ou d'autres trucs, etc. Là, y'a rien qui ressort, c'est bah, incroyable. T'as l'impression que rien n'a été accompli. Même la bande son, t'as aucune musique qui ressort quand tu écoutes les X-Men 2, même le truc de Bryan Singer, et déjà, il y a des moments épiques. Bah ouais, mais puis même X-Men 1. Hein, même le X-Men de Vaughn, X-Men ouais. First Class. Ouais, ouais. Ah, oui, ah voilà, très bon film. Dans les meilleurs X-Men, X-Men 2, X-Men First Class, t'as des moments épiques à chaque fois du film. Et là, avec le Phoenix, enfin voilà, t'es d'accord avec moi qu'il y a un potentiel qui ne donne rien à branler. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais, c'est un peu... Ça dénonce, ça dénonce. D'ailleurs, le réalisateur, c'est le mec qui a travaillé sur X-Men 3, quoi. C'était lui qui a travaillé en tant que scénariste sur X-Men 3, Simon Kinberg, je crois. Mm. Et là, c'est lui qui réalise X-Men Dark Phoenix, comme tu dis. Ouh, on pouvait voir venir de loin, quoi. C'est qu'il y a une cohérence avec le film d'après, c'est Captain Marvel. Donc on a quand même dans nos plus mauvais, en fait, on a quand même deux Marvel. Je crois qu'il y a beaucoup de phallocrates ici, hein, qui alors, est vraiment... Non, mais c'est surtout parce qu'il y en a marre de Marvel, quoi. Il y a pas de Marvel, super-héros féminin. Hein, Captain Marvel, le problème, c'est que pour moi, vu qu'on en vient à Captain Marvel, c'est que il est bien, mais sans plus. C'est pas un ratage, mais c'est du burger. Tu le manges, Captain Marvel, tu te dis, ouais, c'était bien. Deux jours après, tu les as oubliés. C'est parce un énorme préformaté. Ouais, et le personnage est cheaté à mort. Cul, moi, le personnage est cheaté à mort, c'est un personnage comme dans le jeu de baston. Ouais. Il a la barre de vie à 200, quand la personne en face de toi, elle a juste une barre de sang, tu fais ok, c'est bon, Captain Marvel. Mais c'est ça, mais tu sais, ce qui est galère en fait, c'est que, regarde, moi, Captain Marvel, je l'ai vu à la Fnac. Pour te dire tellement le truc, c'est tellement ça me faisait chier d'aller le voir. Le mec, il prenne pendant 2 heures les écrans de la mais Fnac. Mais ouais, au cinéma, je l'ai vu à la Fnac, la tête de homme. Je l'ai vu en 2 fois à la Fnac. Attends, puis à la fin, ça me cassait les couilles, tu sais, je me dis vas-y. T'as vu, il laisse rentrer les chiens à la Fnac, il laisse rentrer les chiens. Mais ouais, je me dis vas-y, je veux voir Captain Marvel. Et après, ça me saoule. J'ai pas envie, ça me saoulait d'aller voir encore un film de super-héros. T'as le son et t'as tout le film à la Fnac. Ah ouais. Wow. Ouais. Fnac Déter, allez-y, profitez, Fnac Déter. Ah bah, plan. Tu m'étonnes, c'est une Fnac monstrueuse en plus. Exactement. Sur Déter, les mecs, ils s'imaginent pas qu'il y en a qui vont se planter pendant 1h30. Moi, ce que je connaissais le bon plan à l'époque, c'était quand j'ai été ouvert. Quand le Virgin Megastore était ouvert, le plan c'était de mettre tous les mangas et tout. Que le souvenir du Virgin Megastore. Mais le coup de la Fnac, je savais pas. Fnac Montparnasse, moi. Fnac Montparnasse, tu sais, t'as un terrain où tu pouvais te mettre au haut des escaliers. On était 5-6 seigneurs de manga. Puis à chaque fois, oh, vous pouvez pas lire ici, vous allez décourager les gens. Dans les classements des pires, les pires des pires ont échappé Godzilla 2, Roi des Monstres. Il était aux portes des pires. Moi, je venais, mais c'était sympa. Moi, je trouve que Glass, il est intéressant, mais à force de vouloir lever trop de lièvres pour boucler une trilogie, pour parler de super-héros, de l'époque en cours actuelle, bah le mec il fait un film manga qui part en plein direction et tu te dis bah t'avais tout un potentiel quand tu te bases sur Speed et Ingassable et. Donc du coup le film il se regarde... ils ont eu la moyenne hein, dans nos notes ils ont eu la moyenne. Bah, pour moi c'est pas un ratage mais t'avais tellement un potentiel que t'aurais pu faire et tu te dis il est juste bien. C'est là qui est un peu dommage. Voilà, ah. Bon. Même je suis étonnée qu'en fait au final Godzilla 2 avec tout ce qui s'est dit mal en fait chez nous il y a eu la moyenne quoi. Mais Godzilla 2 il est cool, t'as Mothra, t'as Gohan, oui, c'est ça, parce que c'est ça en fait. Lui la première chose qu'il a fait, waouh, il y a Mothra, c'est magnifique. Putain mais merde. Mais non. Il y a une tragédie amoureuse à Godzilla. Mais non. Mais en termes de créature il est bien. Mais c'est juste qu'en fait, bah, le design, le design, il est magnifique, je suis d'accord. Rodan, ouais. quand il sort du volcan et qu'il bute les autres en faisant putain, tant pis, tu fais ouais. Même ça, non. C'est le petit enfant qui parle. Alors, il est quand même d'accord pour dire que le Godzilla 2014, le premier, est quand même largement mieux filmé, qualité, etc. visuel, etc. Là, la mise en scène, elle est plus banale, sauf 2-3 plans. Mais je trouve le film très très mal réalisé, personnellement. C'est souvent très brouillon, très confus. En même temps. Est-ce que c'est pas le montage aussi? Le montage, oui, le montage n'aide pas. Je veux pas trop défendre le film, mais comment tu veux faire tenir plusieurs monstres à l'écran? Les mecs, ils ont pêché, ils ont voulu faire trop de monstres à l'écran, ils ont voulu faire Godzilla 2 et Godzilla 3. Tu peux faire comme le Marvel, tu présentes chaque monstre, après tu les réunis. Ouais, mais il faut que chaque monstre ait au moins un petit peu de temps de présence à l'écran. Avant de faire des monstres. Tu vois, Rodan, moi j'ai bien aimé, mais il a très peu de scènes à l'écran. Mothra, sympa, j'aurais bien aimé plus de scènes avec Mothra, mais d'accord avec moi. Et puis, c'est lequel le groupe? Ah, celui avec les trois têtes là, c'est comment il s'appelle? Jidan ou... J'ai vu ça, je Jidan Suke. Toutes les attaques, ouais. J'ai vu du tout. Mais bon. Alors voilà. Est-ce qu'il y a quand même de comment avec Godzilla 1, c'est que tu tapes un peu des personnages humains. Ouais, mais c'est un peu normal. C'est un peu normal quoi. Mais dans le premier, au moins en tout cas, dans toutes les scènes dans le premier, quand Godzilla est arrivé face au Muto, ça avait une monstre classe quoi. Godzilla 2, tu sens que le niveau mise en scène est un petit peu baissé. Est-ce qu'on est d'accord quand même pour dire que le meilleur Godzilla, c'est celui d'Emmerich? J'irai pas jusque-là. Non. Mais je trouve vraiment c'est le meilleur. Je m'en souviens encore très bien du Godzilla d'Emmerich, donc non, je préfère les Godzilla récents, quoi. On parle bien de celui avec Jean Reno. Bien sûr. Courir me paraît une bonne idée, putain. Bien sûr. Avec le top fish. Ah ouais, mais putain. Et puis les œufs, les œufs de Godzilla, on en reste un peu pour faire un deuxième film. Exactement, non, jamais fait. J'assume mon mauvais goût. Par contre, il y avait Jamie Rockway à la fin de Godzilla. Ils avaient une BO, Trop cool. Ensuite, Alcatou. Je vais vous annoncer tous les films qu'on a par ordre d'un peu de qualitatif chez nous. Dans les flops ? Et je vais... Non, on est dans le flop au top. Hein. C'est le même classement du meilleur, du plus mauvais au flop. Donc, et je vais laisser les trois premiers après, sur lesquels on va s'attarder. Donc, on avait dit Glass. Après, on a Stephen King, Dr. Sleep, qui a un petit peu plus de la moyenne. Alors, honnêtement, mais qui reste dans du moyen. Honnêtement, quand tu compares la mise en scène de Cimetière, qui est tout gris, comme photographie, et que tu vois ensuite ça par deux, et toi Dr. Sleep, honnêtement, quand même, Dr. Sleep, on sort largement mieux. Il y a des plans, des trucs. Hein, qu'à un moment, quand il fouille les esprits, tu vois, avec la Terre, avec le. Eux que soit la Terre qui se rapprochait, c'est. Le plan de caméra qui tourne à 45 degrés comme si elle survolait comme un avion, etc. Et comme un super-héros. Moi, ça me fait penser au plan de Superman turc, hein, personnellement. Bon, on n'a pas les mêmes références. C'est dur. C'est un peu violent, mais... Et puis, moi, j'ai bien aimé parce que l'hôtel Overlook, la reconstitution, tout ça, c'est pas parfait. Il y a des trucs, tu te dis, vous pouvez pas tout refaire. Mais quand même des clins d'œil pour les fans de Stephen King, d'autres trucs, par exemple. Non, mais c'est bourré, le film est un gros clin d'œil à lui tout seul, en fait. Bah ouais, le final de Dr. Sleep, en fait... C'est-à-dire, si t'as pas vu Shining, c'est mort, en fait. Non, mais même, c'est même pas ça. Le final de Dr. Sleep, il y a un clin d'œil au final du bouquin de Shining. Même pas au final du bouquin de Dr. Sleep, il y a un bouquin au final de Shining. Parce que Stephen King reprochait justement à Kubrick de ne pas avoir respecté la fin du livre. Voilà, parce que normalement, l'hôtel explose dans le bouquin, dans le premier Shining. Donc du coup, ça permet de relier à la fois le film de Kubrick et l'univers de Stephen King. Mmh. C'est pour ça que King a été content, quoi. Et en plus, je pense que les fans aussi sont contents, ça relie un peu tous les univers. En plus, un peu. Je vois que la fin de Dr. Sleep est assez décevante. Il a... Je crois que ça ne tombe même pas dans l'hôtel, il me semble. Je crois que... De quoi ? Disent dans l'hôtel, à la fin. Non, dans le bouquin. Je crois qu'ils battent... En fait, ils sont devant l'Overlook et ils battent... Non, c'est dans l'Overlook. C'est dans l'Overlook ? Non, non, c'est pour ça. C'est assez fidèle à la bouquin, mais c'est aussi fidèle à l'univers de King, de Kubrick, donc... Moi, j'ai pas été déçu. Après, je peux comprendre qu'on puisse, comme celui qui n'est pas là, qui est absent ici, notre invité qui est là, je peux comprendre que. C'est comme Paul Demore, on dit pas ça. Ah, mais. Ouais, c'est ça. Non, mais hey, les absents ont souvent tort. Et je peux comprendre qu'on puisse être déçu, mais quand même, c'est pas le plus mauvais film, c'est pas la plus mauvaise adaptation de Stephen King, surtout cette année quand on voit tout ce qui est sorti. Je trouve que c'est quand on voit, attends, il paraît qu'elle faisait un peu du n'importe quoi, l'actrice qui joue la marraine des méchantes. Je suis désolé, mais quand tu vois Skarsgård qui joue ça, tu fais. Ouais, non. En termes de gaudriole, je crois qu'elle est beaucoup plus sobre que ce qu'on a vu dans sa part d'autres trucs, quoi. Donc, bon. Non, en fait, je trouve quand même que la réalisation est assez télé. Elle fait très télévisuel, notamment quand il y a le nœud grec qui se fait battre. Moi, ça faisait penser à une période de Supernatural. Vraiment. Ouais, c'est peut-être... Peut-être parce que les séries télé ont évolué aussi et adoptent maintenant des beaucoup plus de trucs avec le nœud grec. Non, mais je trouve que ça manque d'ambition. Parce que Mike Flanagan, quand t'as vu un peu d'autres films, que ce soit Ouija ou d'autres trucs, tu reçois les, revois les mêmes couleurs un peu grisantes chez lui, ça, la même photographie, tout ça qu'il a adapté. Donc tu vois vraiment sa patte, quoi. Donc je suis pas très d'accord, quoi. Après, il y a Doré la Cité Perdue, qu'on avait vu ensemble. Allez, c'était cool. Je. On s'attendait à pire. C'est-à-dire qu'en fait, on sait pas ce qu'on a vu là, c'est pas. C'est... On s'attendait à un pire et on a eu un gros truc, what the fuck, et au final, c'était cool, c'est un gros trip malade, c'était fabuleux. Dora, c'est bien. Ah ouais, c'était. Ouais, en fin de compte, c'était. On s'attendait à pire et c'était vraiment pas mal en fin de compte. Il y a un espèce de mélange, on sait pas si des fois s'ils se foutent de la gueule des spectateurs. Enfin, s'ils se foutent de la gueule du dessin animé d'origine ou pas, quoi. Obligé, ils se foutent de la gueule des gosses, quoi. C'est une double lecture, en fait, où t'as le truc premier degré pour les gamins et qu'en même temps, quand t'es adulte, tu te dis, mais ils se foutent de la gueule du public, en fait. Mais oui, ça qui est bon. Ils s'adressent aux adultes en disant, regardez vos gosses qui regardent comme truc. Et c'est ça qui est trop bon dans le film. Bah, tant que t'as pas des fourmis qui chantent, ça va. Dédicace, je le ferai, je garde la porte, Mais le renard a très bien fait en plus, quoi. Merde, j'ai peur. Ah bah, c'est quand même mieux que l'hérisson dans la première BO de Sonic. Ah oui, déjà... ils ont corrigé le tir, ils ont commencé à faire des progrès. Alors, à voir en VO, hein, si on va tomber dessus, parce qu'en fait, ça, c'est Danny Trejo, je crois, qui fait la voix de Shipper. De Shipper. C'est dommage de passer à côté, toi. Machette et Shipper. Du coup, après, on a Nicky Larson et le parfum de Cupido sur lequel on s'était vachement étalé dans le, dans le, dans le bilan de DVD. Oh, ça va! Il est pas si mal! J'ai pas vu ta note, donc j'en déduis que tu ne l'as pas vu! Non! Ah. Il est pas si mal! Mais ouais, voilà, c'est mon avis, en fin de compte. Nelson Goodenough. Non, mais je suis d'accord avec Nelson en fin de compte, parce que j'en ai des bons souvenirs finalement, en fin de compte, qui restent et. Franchement! Franchement! Et puis, il va pouvoir faire 4 sides! Yeah! Ta gueule! Il est pas si pire! Alors là, je vais te dire, je vais être vraiment vénère s'il fait 4 sides! En fait, si tu veux. Si réussi, c'est pas mal! Non, le truc, c'est que. Ce qui reste de maintenant, quand tu réfléchis, c'est que. Le mec, il s'est fait son trip, ok, pas de problème. Mais. Nous, on a flippé sa mère, parce que. Moi, j'ai vu 4 sides, l'adaptation de 97. Et je peux te dire que c'est de la merde! Restons sur Nicky Larson. Tu vois, donc, attends, on s'est tapé Nicky Larson avec Jackie Chan, on s'est tapé Mr. Mumble. Voilà, Mr. Mumble, c'est l'adaptation coréenne. Qui tient, mais presque. Enfin, qui tient à moitié. Et là, on se trouve sur un truc qui finalement, bon, tout le monde s'attendait à aiguiser les chelas. En tout cas, il paraît qu'il marche bien au Japon. Oui. Mais quand tu sors de toutes les adaptations de manga, type Takashi Miike ou Hidenakata sur Death Note et tout comme ça, c'est vraiment la cata. C'est-à-dire que, par exemple, pour faire des... ils prennent exactement le même coupe de jeu que dans le manga et ils te mettent 45 tonnes de... c'est de gloss pour les cheveux, comment ça déjà. De gomina pour faire passer le truc, mais c'est ridicule, t'as l'impression que c'est une pièce de théâtre de CM2, quoi. Mais juste un c'est truc, chaud, après, je sais pas si vous avez vu les chiffres, les derniers chiffres qu'ils ont annoncés, apparemment, il a rapporté 395 000 euros au Japon. Je parle de Nicky Larson. En fait, c'est, je crois que c'est 8ème sortie ou un truc comme ça. C'est ça. Top, il est 8ème, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Donc tu te dis, waouh, c'est pas beaucoup, mais en même temps, quand tu réfléchis, les Japonais vont pas beaucoup au ciné, quoi. C'est ça, il y a beaucoup d'animation en film d'animation, quoi. C'est... Puis j'aime bien tout ce qui est français. Ouais. Après, on a Alita Battle Angel, qui je trouve qu'on a déjà oublié, en fait. Ouais. Oui. Ouais, et encore, moi j'avais vu, étant gamin, j'avais vu le. Les OAV. Ouais, les OAV. Je les avais vus et franchement, je trouve que c'est extrême, c'est très très proche des OAV. Alors. Mais après, enfin voilà, c'est en fait c'est trop proche des OAV. J'ai l'impression. Bah, le truc c'est que moi, j'ai découvert tardivement les OAV. J'ai vu que cette année. Donc du coup, j'ai découvert cette année. Je me dis, déjà tu sens qu'elles ont un petit peu mal vieilli par moment, mais elles restent assez fidèles au manga, surtout aux deux premiers tomes avec Hugo, etc. Et du coup, finalement, ça c'est un peu fidèle le film, etc. Il y a des trucs, tu te dis. Merde, ça aurait été Cameron, il aurait peut-être pas tourné les supports autrement que d'autres trucs. Ouais, mais là. Après, là, les scènes de course sont respectées, tout voilà. Ça, c'est vraiment bien foutu. Donc, c'est pas mal, mais effectivement, on l'a un peu oublié et c'est dommage, quoi. Bon. Ouais, complètement, ouais. Peut-être parce qu'il manque un petit quelque chose, il manque un petit supplément d'émotion. Bah, en fait, non, c'est surtout que le déroulement est exactement le même que le manga, et donc, du coup, quand on a vu le manga, il y a des années, oui. Il y a certains trucs qui m'échappent en et fait. Et puis Desnova, dans le manga, je sais plus, est-ce qu'il apparaît déjà dès les débuts ou pas enfin, c'est un peu quand même l'ombre qui plane déjà, c'est un peu le grand méchant entre guillemets de la saga quoi, plus que Zalem. En fait il apparaît mais genre vraiment secondes. Au milieu du truc quoi. Deux secondes, quand tu as par exemple un écran, tu fais what. Pour ma part, le film a énervé pour sa fin, parce que je trouve que c'est un peu de l'arnaque de clôturer. En fait, l'histoire se termine pas de dire que derrière deux films pour clôturer. C'est l'effet réveil de la force, l'effet Star Wars réveil de la force, Derrière la force, tu sais que c'est une saga, tu sais que c'est une suite. Ouais, là, c'est vraiment. L'histoire n'est absolument pas conclue. Ouais, parce qu'il y a une suite qui est prévue qu'on fait non. Ça quand un film, que je suis désolé, il y a un film qui se suffit à lui-même. À la fin, donc, tu vois, tu te rappelles, t'avais la galaxie, t'avais des trucs qui s'en vont, puis boum, voilà. Oui, mais tu sais, quand t'achètes ton ticket de cinéma, tu sais que tu vas acheter probablement ton ticket de cinéma pour Star Wars 8 et 9. Ou alors tu vas le streamer, ou tu vas à la Fnac, et ouais, tu voilà, mais voilà, si tu le fais de l'époque, par exemple, si t'es fin des années 70 et que tu regardes le premier Star Wars, et à l'époque, ils ont fait la fin parce qu'ils disaient qu'ils allaient peut-être pas faire le deuxième. Donc tu regardes le truc, tu dis, bon, bah, ouais, c'est. Tu t'attends pas en fait à ce truc là, tu vois. Ouais, oui. Non, mais vraiment, dans Alita, l'histoire n'est pas du tout terminée. Mais dans Alita. Il n'y a pas écrit part 1, il n'y a pas écrit. Ouais, mais Alita déjà dans les OAV, c'était comme ça. Hein. Je m'en souviens des OAV, c'était comme ça. Oui, hein, parce qu'il y avait deux OAV qui étaient faites et puis ils n'ont jamais pu faire les autres. Ouais, ils n'ont pas fait les autres aussi, donc tu vois. Moi, le manga en lui-même, je ne l'ai jamais lu, mais après, voilà. Ah, c'est rigolo que le deuxième film, ils finissent pas non plus, tu sais. Ouais, enfin, parle pas de malheur, j'aimerais bien quand même qu'ils fassent un truc pour voir. Ils sont fidèles. Grave. Donc après, on a. Pokémon Détective Pikachu. C'est dans notre top quand même. J'ai pas vu. Bah écoute, là aussi c'est le genre de truc où plusieurs pourrait s'attendre à le pire. Et en fait tu vois le film, tu te dis, putain les mecs ils ont quand même bien capté l'esprit Pokémon quoi. Alors c'est pas parfait, mais si tu passes un bon moment. Et comme ça s'adresse à la fois pour les petits, les enfants et puis les générations qui ont grandi avec Pokémon, c'est comme tu veux dire la Game Boy en années 90 ou truc. Bah écoute, c'est. Même moi j'ai jamais vu le dessin animé, j'ai joué au jeu par contre, j'ai joué au jeu, etc. Et bah c'est cool quoi, c'est. Franchement, je sais pas ce que t'en penses, toi, Mehdi, je connais ça. Bah, c'est pas tellement adapté aux adultes quand même, mais ça passe. Bah ouais, ouais, c'est. Je trouvais que quand même, dans l'adaptation, par c'est exemple. C'est assez respectueux. Lego Adventure, les films Lego, t'aimes beaucoup mieux le côté enfant et adulte. Il y a de moi qui l'ai vu le deuxième. Ah, j'ai vu Lego Batman et le premier Lego. Mm-hmm. Et du coup, le premier. Ouais. Et du coup. C'était quoi le film? Pokémon Détective. Pokémon Détective. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a vraiment tous les clichés. Ouais, on perd. Tout le monde. Il y a tous les clichés possibles et inimaginables. Ouais, mais en du même méchant temps, qui est craqué à 850 km. Ça passe, mais c'est parce que c'est Pokémon. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais. C'est vrai que c'est moins exigeant. Aussi, peut-être. Les blagues fonctionnent. Les blagues fonctionnent. Je suis un peu plus sympa. T'as quelqu'un derrière quoi, merde, t'as une vision. Voilà, par contre, c'est vrai que moi j'ai pas vu. Enfin, je suis pas très Pokémon, hein, c'était pas vraiment mon époque ou ça, bref. Et j'ai trouvé que ça faisait le job pour un film familial. Ça fait la job. Ça fait la job. Mais encore une fois, celui qui est pas là, qui est absent, Voldemort là, qui est pas là, c'est lui le public principal pour Pokémon quoi, bordel. Mais grave. C'est lui qui est fan de Pokémon. Sinon, on a juste après Once Upon a Time in Hollywood. Il est bien. Qui a plus de la moyenne, donc du coup. Oui, il le mérite. En fait, le film, il est vide, moi je trouve. Ah, tu trouves? Ouais, moi je l'ai trouvé. En fait, il n'existe que pour les 20 dernières minutes où il y a. Comment il s'appelle, Brad Pitt. La violence. Voilà, qui fait de la violence, pour pas spoiler ceux qui l'ont pas encore vu. La bagarre. Voilà, qui fait de la bagarre. Du barbecue. Mais c'est tout, quoi. C'est tout et puis la comment dire la proximité qu'ont certains acteurs avec des mecs qui ont déjà existé. Je parle notamment de Brad Pitt qui me fait penser à Needham curieusement, qui était le cascadeur de John Wayne et accessoirement le réalisateur de Megaforce, Sinar numéro 0. le prochain. Dans 30 ans. Voilà. Non mais ouais, donc il y a ce personnage là et aussi Richard Harrison. Bah en fait le personnage de comment il s'appelle, Brad Pitt, il est calqué sur Al Needham. Il a exactement la même dégaine, l'accent texan, il a les lunettes, c'est un cascadeur aussi comme lui. Voilà, pour moi ça tombe sous le sens. Après, le perso de DiCaprio, c'est à peu près tous les acteurs qu'il y a eu à Hollywood. Bah moi, curieusement. Aujourd'hui et maintenant. D'ailleurs, dans le casting, en fait, quand on regarde dans tous les petits seconds rôles, en fait, c'est beaucoup, plein d'acteurs télé. Ouais. Double, et le summum, c'est quand même d'avoir le mec qui joue dans Beverly Hills. Luc Perry. Mais ouais. Il faut vraiment être. Quand on a regardé beaucoup de séries, on se rend compte que tous les mecs qu'il y a derrière, c'est. Et pareil, il paraît que dans les gens qui font la famille de Manson, en fait, ce sont tous des filles et fils d'eux dans. Enfin, il y a Dakota Jennings dedans, voilà, je l'ai pas reconnu quoi. Donc, il y a un espèce. C'est un. Effectivement, ça porte bien sur Once Upon a Time in Hollywood, c'est vraiment à propos de ça quoi. Ouais, bien sûr, mais après, moi, le film, je l'ai trouvé. Enfin, hormis les trucs que tu reconnais, oui, parce que moi personnellement, le personnage de DiCaprio m'a fait penser à Richard Harrison. Mais après, surtout dans la partie de film italien qu'il a fait, parce qu'il a une carrière à un moment, il signe une carrière en Italie. Mais après, moi le film pour moi il est désespérément vide, quoi. Au bout de 20 minutes, enfin tu regardes les 20 dernières minutes, t'es content, c'est t'as fait ton film. Je trouve pas, que c'est un truc qui prend le temps en fait. En fait, il prend avec Sharon Tate, il prend le temps d'embrouiller le spectateur vers où il veut aller. Et par le biais du personnage de DiCaprio et celui de Brad Pitt, il raconte en fait Hollywood. Il a deux trames comme ça qui finissent par se rejoindre. Moi pour moi, j'y vois un conte de Noël un peu. C'est un peu. D'accord. J'ai fait Marine Nelson. Non mais. Un conte de Noël avec un chien. C'est un film qui rend un petit hommage doux au cinéma, doux et serein et apaisé. T'as vraiment que le mec, il se fait plaisir, il raconte son conte, et on a tous compris pourquoi c'est un conte entre guillemets, c'est une espèce d'uchronie moins importante que dans son film sur la guerre, etc. Une petite uchronie quand même, avec le petit cinéma où c'est moi qui permet de changer un peu les règles à la fin. Mais voilà quoi, c'est. Et beaucoup de gens sont tombés dans le panneau en disant ouais, mais c'est pas comme ça, etc. etc. Bah oui, mais c'est Once Upon a Time, il était une fois Hollywood, c'est une histoire, c'est un conte. Mais... C'est pour ça que le Bruce Lee n'est pas comme le vrai Bruce Lee, d'autres trucs, etc. Non, les gens sont partis chercher 12 000 trucs à 14h quoi. Ça, c'est des petits détails, moi ce qui me gêne le plus en fait. Et puis Brad Pitt conservé. Ouais, mais c'est d'avoir en fait révisé l'histoire avec Sharon Tate. Oui, mais c'est juste à la fin. C'est pas ce que j'ai bien aimé. Non, pas moi. C'est pas comme changer le cours de l'histoire avec Hitler. Ouais, mais pas moi, parce que là, tu regardes le truc, tu dis, là, tu regardes le truc, tu dis, non, c'est trop récent. C'est trop récent, le mec. Quand il a fait la même chose dans Inglourious Basterds, je trouvais ça gênant. Moi aussi. Là, je trouve ça. Inglourious Basterds, c'est du film Z, c'est de la série Z. Oui, mais il change le cours de l'histoire. Tandis que là, ça change juste un détail de l'histoire. Mais oui, mais c'est de la même chose. C'est de la même manière que quand tu regardes Kung Fury, que le mec, il fait jouer Hitler dedans. Ça n'a pas de. Ah non, je trouve que c'est pas la même chose. C'est pas le même niveau de mise en scène. Je sais pas, c'est pas le même niveau de mise en scène. Les gars, non, mais bien entendu, on est d'accord qu'ils se préparent son garder. Mais bon, les mecs, ils réutilisent les trucs, le truc du nazi, etc. Mais c'est de la série Z. Moi, j'ai vu ça comme de la série Z. C'est un espèce d'entre-deux. Il aime les c'est pas tant que ça en fait. Et c'est, ou alors, enfin moi, je, enfin, peut-être que, enfin, à l'époque, il y avait un truc qui me gênait sur Inglourious Basterds, que je trouve ça beaucoup, que le, je retrouve pas là. Et je trouve que Tarantino, en fait, par rapport à ce qu'il a fait à ce film-là, sur Once Upon a Time, en fait, c'est hyper révélateur de ce que lui, il devient en tant que réalisateur. Il s'affine, en fait, et ça, c'est juste, il se met de plus en plus en retrait par rapport à ce qu'il fait. J'ai pas plus mal. Alors, du coup. Après, j'adore Kill Bill. C'est mon Tarantino préféré, quoi. Kill Bill volume 1 et 2. Ensuite, on a La Mule, qui était un Eastwood. Ah, décevant. Non, je trouve pas. Je trouvais vraiment bien. Très décevant. Je t'attache à ce petit vieux. Tu suis le truc petit à petit. C'est... Non, je trouve que c'est l'histoire est assez simple. Est-ce que tu es gérontophile avec elle? Il faut nous le dire. Eh, j'ai pas été toute seule à le noter, hein. Oui, bon, il y avait toi aussi. C'est pas mal La Mule, hein. Bah oui. Non. Enfin, moi, de la part de... Mais les gérontophiles aussi, donc. Non, mais de la part de Clint Eastwood, j'attends jamais un grand film, j'attends juste un petit film tranche de vie. Surtout à la fin. Comme des films comme ça. Je crois que c'était une histoire vraie, hein, ouais. Ouais, c'est ça aussi. C'est une histoire vraie, mais moi, j'étais très très déçu de ce film-là. Après, comment il s'appelle Clint Eastwood. Donc toi, t'es gérontophobe. Ouais, voilà. Non, mais Clint Eastwood, ben voilà, il a droit, 90 hein. piges, grand respect. Le mec a 90 ans, il continue à tourner, continue à faire des films et à pas s'arrêter, c'est super. Mais après, le film, moi, c'est blindé d'incohérences, il y a plein de trucs que j'ai pas... En fait, quand on regarde, enfin moi, c'est surtout la séquence de fin qui m'a fait mourir de rire dans le dans le palais de justice. Le palais de justice, c'est sa fille qui le voit et qui lui dit maintenant on saura où te trouver. J'ai éclaté de rire. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette en maison qu'est-ce de que c'est que ce truc quoi ça, de dire ouais le tu finis en tôle en fait ouais bah, maintenant on aura plus à se courir après on saura où te trouver. J'ai éclaté de rire. J'ai dit mais c'est totalement débile. Enfin voilà, mais ce film-là, c'est une très très grosse. Oh, mais c'est un truc typiquement américain, de mettre des trucs de famille. Non, mais j'ai bien quand même l'idée de quand même chercher Clint Eastwood très très facilement, quoi. Ouais. Vraiment, tu dis, je dis de la drogue, je vais chercher un petit vieux. Tu vois, en plus là pour l'anniversaire de sa fille, comme ça, je sais plus. Mm. Non, mais le mec, il aborde le transport de drogue comme il aborderait n'importe quel job qu'il a fait dans sa vie, et je trouve ça fascinant, en fait. Ouais, voilà. Mais c'est un peu. Enfin, je sais pas. Moi, la séquence avec le chien qu'on voit dans la bande-annonce, c'est d'une débilité. Enfin voilà quoi, mais c'est très malheureux. Chien. Ouais, c'est très malheureux parce qu'un malinois, moi mon pote malinois, il l'aurait trouvé. Bah après, c'est inspiré de faits réels, donc ça se trouve, c'est vrai. Alors au milieu de tout ça, au milieu de tous ces Américains là, on a le chant du loup. Ouais. Qui est quand même un film français. Ouais. On en a pas beaucoup dans les classes. Grave et sympathique. Qui est une très très bonne surprise pour moi. Très bonne surprise parce que je m'attendais pas à ce que les mecs ils aillent jusqu'au bout de leur concept et que il y ait une fin qui est de ce niveau là. Je m'attendais absolument pas à ça et François Civil franchement dedans il est excellent, c'est vraiment excellent. Il y a après du côté de la mise en scène il y a quelques trucs qui me gênent un peu, Notamment la mort d'Omar Sy, mais comment tu spoil? Bah, on s'en bat les couilles, tout le monde l'a vu. Non, nos spectateurs l'ont peut-être pas vu. Non, mais en tout cas, le fait est que quand j'ai vu ce truc-là, c'est le seul truc en fait qui m'a un peu surpris. Mais sinon, le film en lui-même, c'est un très bon film. C'est un très très bon film. Et ça fait longtemps que j'avais pas vu un truc de ce genre-là chez les Français. C'est vraiment très très couillu. Donc, et d'ailleurs, je crois qu'il a bien marché. Il a bien marché au cinéma. Donc, je pense que le film fait du. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Moi, personnellement, j'avais un peu de mal avec l'histoire qui, au début, ça commence sérieux, et puis au bout d'un moment, c'est le bord de la série B. Non, vrai, moi, je trouve qu'il y a un petit côté wargame. Moi, j'ai bien aimé. Il y a un petit côté wargame. C'est pas mal, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Donc, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors sinon, on a juste après, donc, là on se rapproche des trois meilleurs. On est sur, c'est le cinquième meilleur, c'est Us. Pas vu. Jordan Peele. Donc vous êtes au moins trois à l'avoir vu, on est au moins trois. Bah écoute, pour moi, Us... Donc c'est lui ou lui ou lui qui l'a vu. Alors, bah pour moi, Us, là Jordan Peele, il a mis de côté les revendications politiques dans Get Out. Là il s'est dit, je vais faire comme un épisode de The Twilight Zone en plus grand et plus de budget, tout ça, et il fait plaisir. Et voilà quoi, c'est... Après le film est politique, hein, c'est toujours les... Ouais, c'est ouais, en ouais. Classe. C'est un film social plus que sur les différences ethniques. Quoi. C'est ouais, ça, mais en fait, dans le même temps, chaîne, c'est moins frontal que Get Out, quoi. Il dit, je vais faire un truc qui sont presque comme un épisode de Au-delà du réel ou Au-delà du ouais, zone. Et voilà quoi, et il fait plaisir parce que les trucs en rouge, il dit... Alors c'est pour, alors rouge, je sais pourquoi, c'est pour... Ils sont contre l'avortement, etc, un autre truc, etc. Ah non, la couleur n'a aucun lien, ok, donc c'est autre chose. Et finalement, en fait, tu suis le film sans... Oui, il y a une matière de compte, quoi. C'est... Oui, c'est ça, ouais, carrément. Ouais, bah non, moi, je trouve ça plutôt sympa. On a dû taper Woody Allen, il n'y a que toi qui a dû le voir. C'est vrai, il est pas super trendy en ce moment, Woody Allen. J'ai vu Woody Allen et Polanski, ils font bien. C'est chouette. T'as pas de minute ni haut. Sortons le point Godwin. Est-ce que toi aussi tu es allé à la piscine de Polanski et du coup. Dans quoi? Est-ce que toi aussi tu es allé à la piscine de Polanski et du coup tu veux. Non, j'essaie d'éviter les piscines avec leur cinéaste. Bon, sinon on a. Non, c'est ça que je veux dire sur Us. Moi en fait j'ai préféré Greta. Mais c'est vrai que. Mais t'as bien aimé Us quand même, Cathy? Oui, j'ai bien aimé. Je l'ai aimé plus que la moyenne. c'est vrai que je préfère Greta. Moi aussi. David Guetta ou David Guetta. Attends. Joker, qui est aux portes des trois premiers, qui est le quatrième. Il parle même plus français. Alors, je pense que vos notes. Je suis sa plus grande fan parce que j'ai mis 5. Ouais, voilà, vos notes sont meilleures que celles de Nelson et moi, peut-être. Parce que Nelson, je crois qu'il a mis 3,5, moi j'ai mis 3. J'ai mis 3,5, moi. Ouais, voilà, ouais. Parce que peut-être que Nelson sera d'accord. Bah, en fait, le problème, c'est que le truc, le principe même du personnage dans ce film, et je précise bien dans ce film, est vu et revu. Et quand j'ai c'est regardé. C'est un peu de n'importe qui. Mais ouais, mais quand j'ai regardé. Mais c'était le but, je vois pas le souci. Non, mais attends, quand j'ai regardé. Mais moi, le problème, moi, ça me pose problème parce que j'avais l'impression de regarder, par exemple, Requiem for Dream. Pour les Driver. Non, mais même Requiem for Dream, pourquoi pour oui, la... mais enfin, il y a plein de films pour comme ça. Pour la mère complètement barbeau. Le meilleur exemple, c'est. Je sais plus qui j'avais vu sur Twitter, il y a un mec qui. Et à force de dire oui, il a tout piqué sur Scorsese, machin et tout, il y a un mec qui a mis, regardez ce plan-là, en fait, Scorsese, il l'a pompé sur un film encore plus. Tu as plein de films qui sont encensés, qui ont pompé des trucs partout, je vois pas le souci. Non, mais on est d'accord, parce que c'est, sur The Revenant aussi, on peut dire alors que le mec a pompé sur Tarkovsky. Mais le truc, il est que. Voilà, mais le truc, il est que, si tu veux. Moi ça me gêne parce que dans la mise en scène, pas dans l'écriture forcément du truc, le mec a pas dû penser à ça tout de suite, mais dans la mise en scène, dans le montage, des fois le montage me perdait et ça m'énervait parce que il y avait des choses qui étaient très claires, très établies, et puis d'un coup paf, ça migre sur autre chose. Alors que moi j'adorais le montage en fait. Et là, bah, par exemple l'espèce de danse qu'il fait après avoir défoncé les trois mecs dans le train. Ça tombe comme un cheveu sur la soupe et il y a plein de choses comme ça dans le film qui tombent comme un cheveu sur la soupe et là mais t'es là pas, en fait, putain je comprends trucs, pas quoi. C'est des trucs par rapport à la psychologie de son personnage et je sais pas, je suis d'accord, mais... enfin moi j'ai complètement compris le truc. Mais quoi, tout l'environnement. J'étais hyper réceptive au truc donc en fait c'est pour ça que je mais tout ça ils sont moins budget. Tout l'environnement, c'est Moi j'ai vu trois films dans ce film quoi. J'ai vu comment ça s'appelle Valse des Pantins, Taxi Driver. Non même pas, Fight Club, j'ai vu des trucs, ça m'a fait penser à Fight Club, Requiem for Dream et effectivement un petit peu Taxi Driver, mais Taxi Driver j'ai pas vu tant que ça quoi. Mm. Enfin voilà, après c'est chacun il voit une bien ça. Un peu comme Nelson et puis bon, en plus déjà dès le début il me dit que ça pouvait être n'importe qui, etc. Le truc, aller voir le papa de Bruce Wayne, c'était un premier truc, j'ai fait. Non. Il y a des trucs, il y a des moments où je me suis dit quelle est la frontière entre le film glauque, etc. ou le pathos. Mais et pourquoi non en fait, je sais pas. Ça devient un peu glauque, c'est. Bon, dans ma tête, je le verrais pas non plus dans la psychologie du personnage que l'aborder comme ça, quoi. On a tous chacun une façon de voir le personnage, comment le film le développe et. Le personnage est complètement largué, il apprend un truc, son premier mec, ça va être ça. Par exemple, aller au gris du manoir Wayne et qu'il voit le petit gamin, etc., tout ça, etc. Là, c'est mon personnage. Tu sais qu'il utilise des acquis qu'il a lui-même en tant que clown, etc. Il utilise des acquis, etc. Et tout ça, pourquoi? Pour pouvoir voir le père de Bruce, quoi. Mais là, il se limite, il me faufile comme un voleur, c'est en pleine manifestation. Je me suis dit, je vais voir le truc, et je vais voir un truc avec des clowns qui vont tuer des gens, qui vont tuer qui vont tuer les trucs de Wayne, etc. Et ça a pas loupé, je me suis dit. Et du coup, tu dis, après coup, tu dis, du coup, est-ce que le Wayne, quand il est tout jeune, Bruce Wayne, il va pas croire que c'est le Joker qui a tué, il va pas se tromper de clown, etc. plus tard, etc. Tu dis, tout ça, pourquoi? Pour créer un ennemi qui va devenir un némésis de Batman. Mais je veux dire, c'est un peu trop tiré par les cheveux, quoi. Je comprends pas, en fait. Non, je comprends pas parce que tu lui reproches, là. C'est ça, bon. C'est du travail de scénario, ça. Non, mais je comprends pas, en fait, ce que tu lui reproches, là, le lien entre la famille Wayne et Joker est artificiel, quoi. Ils auraient pu s'en passer, en fait. Parce que normalement, il n'existe pas, il n'y a pas le lien. Non, d'habitude, non. Alors, si, il y a un lien, mais il y a un lien, il est très, très, très ténu. Très ténu, on le sait, parce qu'il y a la mère du Joker, je suis désolé, qui se spoil, entre guillemets, qui a travaillé pour Wayne Industries, tout ça, etc., tout ça. Mais le lien est très ténu, ça pourrait être n'importe quelle chose que Wayne Industries, ça pourrait être n'importe quel truc, tu vois, je veux dire. C'est uniquement pour attacher à DC Comics, d'autres trucs, etc., tu dis. Mais non, mec, assume, tu veux faire un super grand drame dans les années 70, assume, tu veux faire un film qui va jusqu'au bout. Assume, pourquoi être attaché à Ben Super Star? En même temps, s'il faisait pas référence à Bruce Wayne, il y aurait vraiment absolument rien de super héroïque dans le film. Quoi. Bah ouais. Tu vas raccrocher les wagons après avec Batman, enfin c'est compliqué aussi. Bah après, ils auraient pu faire un truc à part, mais bon, le principe est toujours le même quoi. Donc voilà, et puis je sais pas, il y a un petit côté un peu glauque, et quand il abat les mecs avec dans le métro, peut-être que j'étais pas dedans, mais je sais pas, je sais pas si Nelson est d'accord avec moi, mais. Bah si, moi il y a des trucs qui m'ont gêné, et notamment... On m'a dit que c'était froid et brutal, non. Non, mais non. Froid et brutal. Non, quoi. et puis la... Peut-être qu'il y a de la musique, il y en a qui font... Bah oui, évidemment, mais quand tu regardes justement cette séquence avec le manoir Wayne, ouais. Je trouve ça totalement débile, quoi. Parce que la manière en fait dont c'est mis en scène, etc., c'est des facilités, il y a énormément de facilités, donc du coup... Oui. Voilà, moi je peux pas être... Enfin, ce film... moi j'ai noté 3,5 parce que vraiment j'étais absolument pas d'accord avec beaucoup de ressorts. Après, c'est chacun nos propres standards d'appréciation d'un film. Et évidemment. La preuve c'est que vous l'avez beaucoup plus aimé que nous. Mm. Ouais, puis c'est quand même. Je trouve ça assez surprenant le succès du film. C'est quand même pratiquement effectivement du film d'auteur quoi. Donc, ouais, c'est vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont reconnus sur certaines choses qu'il y a chez le Joker. Parce que dans sa personnalité, dans les troubles qu'il a et dans les et dans plein de choses en fait qui caractérisent, en fait il y a des choses qui sont inhérentes à plein de gens. Suffit de voir, suffit de parcourir Twitter, suffit de parcourir plein de choses par rapport au mal-être de plein de gens. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de succès, c'est parce que son personnage a parlé à plein de gens en fait à ce niveau-là. Oui, d'accord, mais alors il y a la performance de comment il s'appelle, Joaquin Phoenix. Il avait un petit truc sur lui, ça. Qui est quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'avais un poil. Non, il fait un peu comme ta maman, tu sais, quand ta maman t'essuie un petit peu le coin de la bouche. Ah d'accord. Il y avait un truc. Voilà. Si tu veux, la performance d'acteur, elle est indéniable. Le mec, il est dérangeant. Non, mais le personnage en lui-même, le personnage du Joker, il y a des choses qui sont bien écrites. Mais le problème, c'est que. Bordel de merde, la performance fait que le personnage, il est dérangeant, mais ça serait un mec qui l'interpréterait comme un pied, tout comme rapport. Je trouve ça très intéressant qu'il soit dérangeant. Oui, mais je dis pas le contraire, Après, je vais juste revenir. En soi, ma note n'est pas mauvaise, façon, parce que quand même, des trucs que j'ai trouvé très bien dans le film, même si je suis partagé, tout comme Nelson. Il y a cette scène avec. C'est dur de pas spoiler, mais en même temps, on parle du principe que tout le monde l'a vu, vu que ça a été un grand succès public. Cette scène dans l'appartement du Joker, avec lui, celui qui foutait sa gueule, dont il se débarrasse, etc. Oui. Et le pote nain. Cette scène, le mélange tragicomique est fabuleux. Ouais. C'est un mélange très grinçant. Même quand l'autre il peut pas passer, etc. Tu te dis, merde, il va le buter aussi. Et non, il le laisse sortir, tu te dis, c'est génial. Bah génial, oui. C'est tout à fait dans le personnage du Joker, tel que tu conçois, qui est à la fois tragicomique, tout ça, etc. Alors pourquoi à d'autres moments je me suis pas senti dans ce Joker-là? Voilà, c'est ça que. Et puis il y a des trucs qui sont quand même téléguidés. Tu sais très bien que la meuf, elle l'a pas suivi, tu sais très bien que. Quand il est dans le. Oui, tu dis qu'il débloque. Truc, ouais, il débloque. Là, tu vois après quoi. Mais c'est bien filmé, c'est bien amené comment le fait quand il débloque. Pas nécessairement quand t'es dedans, en fait, tu captes pas tout de suite. Tu dis. Quand tu vois le truc où elle l'a pas suivi, tu t'étonnes pas, mais quand t'es vraiment dans le truc, tu captes pas quoi. Non, moi j'ai. Mais parce que t'étais pas dedans justement. Mais d'où le truc qui m'a fait penser à Fight Club, c'était ça, c'était cette espèce de rêve halluciné quoi. Moi j'étais dedans, mais je me disais quand même un truc qui cloche. Ouais, je me disais qu'il y a quand même un truc qui cloche. Je me disais, ok, c'est cool qu'il ait trouvé sa copine, etc. Je me disais qu'il y a un truc qui cloche, mais j'arrive pas à savoir où. Et le film m'a confirmé après, voilà. Bah, c'est ce qui cloche, c'est que c'est un loser tout le long, et puis tout d'un coup, il saisit une fille. Effectivement, tu sens qu'il y a un truc qui. Même dans ma vie, je suis un loser, et voilà quoi, il y a rien. Voilà, c'était le moment. Confession intime. Le moment, je vais pas bien, confession intime. Le moment célibat. On fera une petite annonce. Version montée pour toi. C'est ça. Oui, t'es Nio, c'est vrai. Alors, sinon, on va passer aux trois premiers. Wow. Donc, c'est des films qui ont eu. Qui ont en moyenne 4 et plus de 4 pour nous. 4-4. Alors, le troisième, c'est À couteau tiré. Qui est le Rian Johnson, en fait. Après avoir été conspué pour avoir fait le film. Oh, c'était cool, les amis Jedi. C'était par qui? C'était cool. Hein? Ça dépend par qui? Moi j'ai bien aimé. Oui, moi j'ai bien aimé aussi. Et puis il y a un moment où il y a des réactions qui sont stupides aussi par rapport à certains films. Non, mais attends, il avait fait quoi lui déjà? Brick. Le dernier Star Wars, oui, Brick aussi, mais le dernier Star Wars. Dernier Jedi. Ouais. Celui. Le Ferrer Broom, c'est ça? Le 8. Looper. Looper, bien sûr. Looper, mec. Mais donc, ouais, et À couteau tiré, c'est un espèce ça fait penser un petit, ça démarre comme un Cluedo, et c'est un hommage à Hercule Poirot. Et, ouais, carrément, c'est du Agatha Christie. Benoît Blanc, tu fais, oh putain, c'est comme Hercule Poirot, quoi, c'est fabuleux. Ah, c'est vraiment l'hommage à Cluedo et Agatha Christie, quoi, tu retrouves bien le truc en huis clos, tu sais, c'est comme... Mort sur le Nil ou même le meurtre de l'Orient Express. Ouais. Tu dis à un moment, oula, soit il y a un seul coupable, soit ils sont tous coupables. Ouais. Et là, même avec ça, il te dit, je vais déjouer ça, hop, tu t'attends à ça. Mais t'inquiète pas, le coupable, tu l'as dès le début du film, alors un autre truc qui se déjoue, etc. Et il arrive finalement à déjouer les attentes. Et c'est ça qu'on attend d'un réalisateur. Qu'il arrive à déjouer à chaque fois les trucs, etc. Là où plein d'autres réalisateurs se plantent à chaque fois, lamentablement. Ouais, je vois bien le film. Ouais, puis c'est rafraîchissant, le casting est rafraîchissant, c'est sympa. Et c'est drôle. De voir des acteurs comme ça qui jouent en général les gentils. Et c'est très drôle, on voit tous les acteurs, ils ont pris leur pied. Et... Ouais, c'est bien quoi. Ouais, Chris Evans, il est excellent. Il y a Daniel Craig. Ah, il est fabuleux, lui. C'est Benoît Blanc. Un Craig quand même, merde. Alors très souvent il m'énerve, mais là je trouve ça assez drôle. Mais non, mais là il est limite. Il est vite péteux, il est fabuleux. Non, parce qu'en plus il a l'accent, si vous le voyez en VO, il a l'accent du comme on l'appelle un pecno d'anglais, il a vraiment pris l'accent Craig quoi. Et c'est délicieux de l'entendre parler avec un accent comme ça, avec une petite tasse de thé quoi. Alors. Mais en fait tout le casting est assez phénoménal et on a l'impression qu'ils ont même pris du plaisir à ce qu'ils faisaient. Oui. Jamie Lee Curtis, Nelson, va le voir. Ouais, je sais, pas trop de temps mais je vais y aller. Et c'est en fait la celle qui fait l'infirmière, la fille, c'est celle qui jouait dans Blade Runner 49, ouais. Elle veut un rôle de méchante. Elle fait pas méchante. Mais c'était quand même très axé sur sa plastique en Blade Runner 49. Et là, elle fait plutôt une nana lambda, donc ça fait plutôt plaisir. C'est un mode de production qui est bien sympathique. Et puis c'est un film très années 90. Ça peut très c'est bien vrai, dans les années 90. Et j'aime bien ce genre de façon de construire un film. Et puis c'est bien filmé, c'est un mise en scène un peu classicisme, mais en même temps, dans le montage, tout ça, la photographie, c'est soigné. Je sais pas si vous l'avez ressenti comme moi, mais voilà, il y a vraiment un soin apporté au truc, quoi. Ouais, il y a des moments drôles aussi, enfin, c'est plutôt cool. Le numéro 2, c'est Parasite. dont on avait parlé évidemment Cannes, sur l'épisode des Cannes, quoi. Mm. Évidemment, mais un très très très bon film. Ouais, on va pas revenir dessus du coup. Non, ouais, on va pas revenir dessus, mais franchement, c'était. Moi, très très bon souvenir. Puis de A à Z, à chaque fois, je me disais, mais jusqu'où il va aller? C'est une poupée russe, le film, en fait. Mais du coup, moi, après. Comme un couteau tiré. Pendant l'épisode de Cal, je sais que Geoffrey et toi, vous disiez qu'il est très bon, mais qu'il manquait un truc. En fait, il y avait un truc. Et c'est vrai que j'ai ressenti la même chose, en fait, en l'ayant vu après. Il est très bon, mais il est pas parfait pour moi. Voilà. Dans la filmo de Bong Joon-ho, c'est pas Parasite qui viendra dans les 2-3 premiers, par exemple. C'est un très bon film, même comparé au reste de la production, c'est un très bon film. Émotionnellement, j'ai préféré The Host, c'est très voilà. bien. Moi, pour moi, c'est The Host, Memory of Murder, et peut-être Snowpiercer ou Mover ex aequo. Ouais, voilà. Parce que Mover, je l'ai revu cette année en plus, j'ai fait putain, mais il gagne en plus avec le temps, il se bonifie encore plus. Quoi. C'est peut-être le film caché de Bong Joon-ho que tout le monde oublie, quoi. Ouais, Parasite, il est peut-être trop didactique. Peut-être trop politique et du coup ça t'enlève un petit peu de personnage, quoi. Il y a toujours eu la famille dans ces films, quand tu vois même The Host avec la famille ou le transpersonnage, c'est comme une sorte de famille, même la lutte des classes transpersonnage, tu vois ça, hein. Parasite, mais là on a l'impression que le discours on commençait à le connaître, je sais pas trop comment le dire, mais... Non, moi j'ai vraiment pensé que même du point de vue politique, enfin surtout moi j'ai plus vu du point de vue social que politique, mais c'est le mec qui connaît la société coréenne et surtout enfin la société asiatique capitaliste sur le bout des doigts. Mmh. Et donc tous les réflexes de classe, etc., il les connaît sur le bout des doigts. Et il montre bien que c'est encore pire qu'il y a 10 ans. Quoi. Voilà, parce que ce soit les Chinois, que ce soit les Coréens ou quoi, c'est le même système. Il y a un grand sens du détail. Hein. C'est vrai que, par exemple, le moment où, où le gars il évalue le chauffeur, le chauffeur par rapport à sa tenue de conduite, qui regarde si qui déborde pas, surtout, c'est vraiment très très vrai, quoi, comme Détail. Complètement. On a donc Parasite. C'est bon. Okay. Et donc le premier. Attention. On m'entend voir. Gemini Man. Midsommar. Attends, je suis étonnée que. C'est même pas Midsommar. Oh. Je suis étonnée qu'on ait pas mis Gemini Man dans les plus mauvais. Personne l'a vu à part moi. Pareil, pareil d'un point de vue technologique, le film il est bien, mais tout le reste par contre l'histoire on a rien à foutre, quoi. Bah ouais. Ouais, c'est un film qui a été fait beaucoup trop tard, quoi. C'est un film de Will Smith, quoi. Là. Ils se ressemblent tous, on les a déjà tous vus. C'est mais c'est parce qu'il y en a deux de Will Smith. Putain, que ce soit à la recherche du bonheur. Voilà, mais qui est fait à la recherche du bonheur et qui lui ait fait ça, c'est le même truc, c'est juste pour le mettre en valeur lui. Voilà, c'est de la même manière que Mission Impossible met en valeur Tom Cruise. C'est un peu le souci, maintenant, quand tu casses Will Smith, faut se dire que tu vas faire un film de Will Smith et pas que tu vas raconter une histoire, en fait. Non, mais il était dans Aladdin, non? Il était le génie dans Aladdin. Attends, dans... Comment ça s'appelle dans... On s'égare, messieurs, on s'égare. On s'égare. Comment il s'appelait le film là, avec le DC qui s'est cassé la gueule? Suicide Squad. Ouais, Suicide Squad. C'est exactement le monde a oublié. Bah, d'ailleurs, ce sera pas dans le prochain, en fait. Bon, bref. Donc, c'est le premier, donc le film qui a... Alors, il a... 5 partout. Mais il a. Il a 4,5. Et c'est Le Mans 66. Mais évidemment! Évidemment! Évidemment! Ouais, c'est vraiment la surprise de fin d'année, quoi. Mais ouais! Enfin, l'année n'est pas finie, mais c'est vraiment la très bonne surprise. Alors, sachant que le top qu'on fait, en fait, il n'y a pas les films de décembre. Hein, donc. Parce que Le début de Lighthouse est dans mon top final, dans mon top qu'on va devoir dire chacun juste après. On fera un petit top depth. Ouais, pour donc. Mais le Mans 66, ouais, qui peut plaire à n'importe qui, même ceux qui n'aiment pas forcément le carrément. Après, c'est extrêmement romancé parce que j'ai vu des vidéos récemment de pilotes, anciens pilotes qui expliquent que ça s'est pas du tout passé comme ça. Oui, mais ça prend l'aspect humain en compte. Voilà, en compte, mais c'est dans la grande tradition de ces films justement qui retracent des faits historiques, surtout sur le sport automobile. Ou de films qui parlent du sport automobile. Ouais, il faut bien creuser le personnage, la psychologie. Voilà, où il y a tout le déroulement, etc. C'est souvent le même. Tout amène à la course finale, etc. Course, ouais. Mais c'est franchement passionnant, quoi. De toute façon, le duo corporatiste, tu sais, droit de leur botte, technocrate, versus le petit gars qui fait la course, qui a un vrai mécano, qui est vraiment moteur. En progression. Ouais. Daytona, c'est déjà, ça devient impressionnant, et puis après t'as Le Mans, le final qui est encore plus impressionnant, ça monte tout le temps en progression. Ah ouais. Ouais, c'est... Non, franchement, le film est grave bien maîtrisé, que ce soit dans la narration, que ce soit dans la mise en scène. Mmh. Franchement, le montage, efficace, c'est le mot que tu cherches. C'est super efficace. Ouais. Et puis il arrive quand même à faire intéresser un truc dont je n'avais absolument jamais entendu parler. Parce qu'effectivement, je savais pas ce que les Américains gagnaient pour la seule fois en 65-66, 66-67. Enfin bref, dans ces deux années, grâce à Shelby. Ouais. Et toute cette histoire, je la connaissais absolument pas, quoi. Ouais, bah en plus. Déjà pour moi, honnêtement, le film avec Steve McQueen. Les 24 ans du Mans, pour moi, c'est toujours une connotation un peu ringarde. Enfin, non, mais c'est un peu dur, mais. Turbo, quoi. 24 ans du Mans, ça fait penser à Turbo. Pour moi, c'était un truc de. Et arriver quand même à donner une. Vraiment un sens épique. Non, mais c'est comme ça que je le ressens. Ce soir, sur M6. Aux courses du Mans, c'est quand même. Déjà, c'est comme déjà de prendre son sujet au sérieux et. Ça te montre toutes les difficultés du truc, ça vraiment, ça te fait vivre, quoi. Parce que tu te dis, exactement. Oh, c'est une petite course, Le Mans. Non, c'est 24 heures. Oh putain. Après, c'est la plus grande course du monde, je crois, d'endurance, il me semble. Ouais. Donc, c'est pas une petite course, mais pour un néophyte, tu vois, c'est pas. On s'en fout un peu, quoi. Donc, c'est comme ça à faire intéresser, même quand tu t'en as rien à faire du sport automobile, c'est quand même. Mais grave, et puis en plus, au début, j'avais un peu de mal, mais la prestation de comment il s'appelle, Christian Bale. Le duo, il est bien, mais au début, c'est plus Matt Damon qui tire qui tire les wagons, quoi. Ouais, parce au début, c'est un ancien pilote, quoi. Donc tu comprends si l'ancien pilote il passe en quelque sorte le relais à l'autre. Non, mais c'est un peu compliqué au départ dans l'interprétation de Christian Bale. Mais après, ça part d'un coup, tout le monde part dans le même sens. Et franchement, le film est vraiment bien. Il y a seul même la fin, bémol. Je trouve que la fin elle est sobre. Ça m'a ému, j'ai eu les larmes aux yeux, c'était sobre. Ouais. C'est ça qu'il faut faire. Mais ouais, complètement. Le seul petit bémol, c'est peut-être John Bernthal qui a rien à foutre là. Mais sinon. Il a un second rôle donc. Ah, je suis pas d'accord, je trouve pas, je trouve qu'il est juste sous-utilisé. Parce que justement, il a une tête un peu old school quand même. Je trouve qu'il est parfait pour l'époque, mais c'est juste un personnage hyper sous-utilisé. Moi, je crois que j'ai un peu de mal. La fan de John Bernthal. Avec les physiques un peu bovins comme ça. C'est très bien. Ouais, mais lui. Ferrari aussi est très bon. On sent vraiment le vieux gars italien. Ouais, voilà. Complètement. Enfin, qui on la fait pas, quoi. Complètement. Ah ouais, mais c'est vraiment les États-Unis qui comblent un peu leur complexe qu'ils ont trouvé par rapport à l'Europe. C'est un peu une réécriture de l'histoire, mais en même temps, on n'est pas à ça près avec les Américains, quoi. Certes. Ouais. Après, je connais pas. Le cinéma américain, on n'est pas. Parce qu'on ne connaît pas tellement l'histoire. Autant sur Queen, sur Bohemian Rhapsody, tu peux dire non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et en plus, tu dis pas forcément qu'ils ont amélioré ça pour le mieux. Tu dis que c'est pas forcément le meilleur choix. Et autant là, en tant que dramaturgie, ça marche super bien. D'accord, moi pour le film, on n'a pas une mauvaise image de la France. Car à chaque fois, les Français, on est les méchants, on est les râleurs, tout mais, ça. Excuse-moi, le seul truc qui passe en France, il y a un clochard qui dégueule ou qui. Ah ouais, ça ouais. Cette séquence, ouais. Oh, c'est un instant. On peut pas dire que t'as le bus, ça passe, le bus, le gamin qui vend les journaux, etc. Ça passe, ça va. On peut pas dire qu'on met très bien la France en valeur. Hein. Puis il pleut, on nous dit qu'il pleut tout le temps en France, mais ça va. Mais jamais, en fait, dans les trucs américains, de toute façon. D'un point de vue bilan, en fait, je me souviens qu'au début de l'année, en fait, on avait fait la première émission pour faire un bilan de Prométhée pour voir où ça en était. Yeah. Et on avait parlé à ce moment-là de qu'on était à une époque de films doudou. Mmh. Oui. C'est et pas faux. Je trouve que ça s'est vachement tassé. Ouais, complètement. Ça, c'était qu'après, dans le reste de l'année, c'était. Bon, on a mis tous les trucs doudou au début d'année, puis après, ça. Un peu moins. Alors il y a peut-être des trucs qui sont inhérents à ça, mais c'est moins. Peut-être effectivement qu'on est en train de prendre un virage, mais on verra en 2020 si ça ne change pas un peu à nouveau tout ça, quoi. Je pense à mon avis ça doit être un restant de 2018. Bah déjà, s'ils arrêtent de nous faire chier avec les films de super-héros type Marvel, qu'ils en mettent moins. T'en auras encore. Non mais qu'ils en mettent moins. Fait, en fait, moi j'aime bien les films de super-héros. Mais moi aussi. Vraiment... Non mais moi ça me casse les couilles parce que c'est très uniforme. Démarche où il fonctionne film par film. Ici, devrait avoir un plan beaucoup plus large. Quoi. Il ne voyait pas assez loin, ça le problème. Quoi. Oh, bah, c'est déjà pas mal. Hein, peut-être non, mais peut-être le succès de Joker va peut-être penser à réfléchir. Hein, peut-être une suite à Joker, puis un autre truc, etc. Dans l'annexe, dans l'univers. Peut-être qu'ils vont commencer à réfléchir avec les wagons bien l'ordre. Je sais pas. Je crois que personne n'a vraiment compris leur choix de mettre le film de groupe avant de finir les films individuels. C'est bizarre. Ça, c'est pour le coup. Par rapport à cette année. Je crois qu'il y avait trois thèmes. Ah oui, tout à fait. Regardez là. Mais j'ai aussi mes notes. Tu bouges trop, je vois pas. Non, parce que Stephen King, je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour de Stephen King. On a pas trop parlé de sa part 2, mais... Non, le truc, c'est que c'est son année, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des trucs assez latents, c'est-à-dire que... Il a 70 ans. C'était... Il a 70 ans et quelque chose. Ouais, aussi. Mais je veux dire, il y avait des séries avant, genre Under the Dome ou Heaven, enfin, qui étaient issues de trucs à lui. Et là, c'est... Ces dernières années, Netflix, ça s'appelle bien Stephen King. Mais là, c'est pas Netflix, ces séries-là. Mais là, en fait, là, entre le remake de ça, le remake de Cimetière, il y a un bouquin sur lui qui est sorti aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Après, c'est aussi dans Revivalities, quoi. Le forum des images, oui, c'est. Bah, je sais pas, mais. Il y a eu Christine qui a été remasterisée, qui est ressortie. Voilà, le forum des images lui a consacré tout un cycle, en j'ai fait. J'ai tout loupé. Mais Ouais, il y a Christine qui est ressortie en salle privée, qui est ressortie en DVD Blu-ray masterisé. Il y a Cujo aussi qui est ressortie. Il y a la série Castle Rock qu'on a, sa deuxième. Je viens de penser à une blague. Dans laquelle il y a Tyrion. C'est pas Christine de Queen. Et il n'y avait pas une saison 2 ou 3 ou 4 de l'homme, le maître du château là qui est en train de se faire. Oui, finir. Oui, The Man in the Castle. Mais c'est vrai que l'actualité Stephen King est assez chargée quand on y arrive. Voilà, ouais, c'est ça. Et après. Est-ce que c'est pas comme, tu vois, comme il y a 20 piges quand ils se sont tous mis à sortir tout un tas de séries derrière, genre Le Fléau, Tommy Knocker, etc. C'était des téléfilms, c'était... Ouais, bon, mais non, mais justement, parce qu'à l'époque, le cinéma s'intéressait pas tant que ça à comment ça s'appelle, à King. Oui et non. Ouais, mais on va pas parler du cobaye. Parce que non, mais t'as eu Carrie, t'as eu Shining... Non, je te parle d'il y a 20 piges. Dreamcatcher, c'était il y a 20 piges. Voilà, ouais, et la ligne verte. La ligne verte. Voilà, 20 piges, c'est tout. Il y a toujours une adaptation de King. Un film avec Anthony Hopkins aussi, je sais Rose pas. Mother, non. Non, Rose. Il y avait Mist aussi. The Mist, ouais, voilà. Enfin, il y en a encore plein. Il y a une série aussi, mais qui a pas marché d'ailleurs, je crois, parce que j'en vois des joueurs. Pas top. Même la nouvelle dans différentes saisons qui est devenue Stand By Me. La nouvelle, ouais, avec, ouais. Voilà. Même. Anne-Eve Doué, Bryan Singer, c'est un de ses premiers films. Bryan Singer, il va adapter le film, Anne-Eve Doué, avec le mec qui est un ancien nazi qui va initier un jeune garçon en pleine banlieue américaine. Il fait waouh, c'est chaud quoi. Mais là, il a toujours été un peu présent, mais là, il y a plein de choses cette année le concernant. Donc, on dirait qu'il va claquer. Ouais, avant, c'était plus tiré. Ce qu'on veut dire, avant, c'était plus tiré dans le temps. Là, t'as coup, en une seule année, t'as flan, tu fais oh putain. C'est un peu le Michel Drucker de film d'horreur quoi. Qui vient de sortir. Non, c'est Michel Denisot qui a sorti un film, pardon. Bref, passons à notre second thème. Qui est le second thème donc. Eh bien, live animation. J'ai n'ai vu rien du tout. T'as pas vu Dora? Ah non, t'as pas vu Dora. Entre Pokémon, je l'ai foiré. Dora, j'étais pas là. Comment ça s'appelle? Le Roi Lion, Aladdin. C'est vraiment. On l'a noté ou pas? Je crois qu'on l'avait pas noté du tout. Mais non, Roi Lion et Aladdin, on a fait l'impasse. C'est très bizarre parce que j'ai. Des échos que je voyais, moi, c'était genre. C'est genre, ah, c'est magnifique! Et d'un autre côté, ça manque d'âme, je préfère l'ancienne version, tu vois. Donc. Il paraît que les chansons passent pas du tout, ils ont retiré pas mal de trucs parce que ça pouvait pas passer avec des vrais animaux, entre guillemets. Donc, du coup, tu te dis en fait tout ça pour ça, quoi. C'est. Parce que le casting est quand même assez énorme, donc. Il y a eu Maléfique 2 cette année. Aussi! Le truc de Maléfique 2, en fait, on peut le faire. Son personnage, c'est un personnage animé, mais en soi, l'histoire, il n'y a jamais eu de dessin animé Maléfique. Donc... Non, c'est vrai. Si, il y a une série live. Que ma nièce en est fan. Coucou ma puce. Ma nièce en est fan. Donc du coup, elle a pas arrêté de me parler de la série live et qu'il y a aussi des. Comment on appelle ça? Il y avait aussi le film qui devait sortir ou comme on avait parti le voir. Mais après, ouais, c'est tout le truc des live action. Bah, dans tout ce qui est live Disney, en fait, je peux maléfique, c'est celui qui s'en sort le mieux parce que c'est le premier. Job, le premier. Même le 2, ça va. Il fait le job et puis. La job. Voilà, c'est... Fait la job. Québec! Et Angelina Jolie, ça lui va comme un gant ce perso. Donc, Ouais. Donc, elle fait plaisir à ses enfants derrière. Mais pour les super-héros. On le disait tout à l'heure, on a quand même deux Marvel dans les fins, c'est un peu. Et on a reparlé de Black Snake, les super-héros au cinéma. Est-ce que c'est encore voué à marcher ou pas, quoi? Mais le problème, c'est que si tu fais les choses. En fait, c'est le sujet que tu traites. Parce que si tu parles par exemple des Marvel, le souci c'est qu'ils sont soumis à un cahier des charges qui est trop lourd. Si tu parles de Black Snake, le mec a fait ça par-dessus la jambe. Tu vois? Pourtant il a pris son temps. Mais putain, mais c'est vraiment, c'est une déception. C'est une déception. Je me souviens, on était quatre dans la salle. Tu vois, le mercredi, moi je l'ai vu le mercredi. L'après-midi, UGC Normandie, putain, on était 4 dans la salle. Tu vois? Parce que le truc, il est mais décevant au possible. Donc, messieurs, oui. Il est temps de conclure cet épisode. Cet épisode est défini. Bilan général sur l'année. Ouais. Franchement, ça aurait pu être pire. Moi personnellement, tous les films que j'ai vus, il y a eu des très bonnes surprises. Et tous ceux qu'on attendait au tournant en disant ouais ça va être un truc de ouf, et ben il y a énormément de déceptions. Donc franchement, voilà, il y a eu beaucoup. C'est une année pleine de surprises. Donc on peut dire que contrairement à Godard, le cinéma n'est pas mort. Ouais, c'est clair. Voilà. Ouais, et Godard, lui par contre. Mais il est pas non, à chaque fois il dit que le cinéma est mort, donc bon. Non, justement, je me disais, tiens, il meurt cet après-midi, je savais pas, je sais pas quoi. Alors non, nous ne souhaitons pas sa mort. Non, non, du tout. Ouais, pareil. Ouais. J'ai bien aimé la fin d'année, moi. Ouais, j'étais chiant. Ça a mieux fini que ça. Tu dis ça parce que t'as enchaîné à couteau tiré et le Mans 5-6. Et Les Misérables. Voilà. Et surtout, en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que sur la scène fin d'année, il y a plein de films français, donc on en a pas mis beaucoup, mais il y a plein de films français qui sont sortis et plein de films français, en fait. Il y a une bonne surprise quand même. Bah, c'est ça. Et je trouve des films, pas des trucs dont on a l'habitude de critiquer chez les films français. Ouais, social, blablabla. Ben, grâce à Dieu, le Ozon, ouais. Grâce à Dieu, moi j'ai trouvé pas mal du tout. Il y a plein de films français qui donnent envie sur ces dernières. Tu l'as noté, moi, ouais, je l'ai noté. Pourquoi il est pas dans le final? Ah, bordel. J'ai mis 4. Et franchement, grâce à Dieu, c'était une putain de surprise. Il y a un truc dont on n'a pas parlé. Adult in the Room, on l'a c'est pas. C'est vrai. On l'a pas parlé. C'est celui-là c'est qui vrai. Était pas dans la liste. Si, sûrement. Non. Mais si, parce que. Non. Non, mais t'as du mal, avec les listes. T'as du mal avec les listes. La fin est à mourir de rire. Franchement, la fin, l'espèce de chorégraphie là, le Costa Gavras, la fin, c'est à mourir de rire.